إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on va continuer inshallah là où on était rendu dans la première partie de l'explication par rapport à la aqida de l'imam al-Humaydi dans Usul al-Sunnah. Et juste avant de commencer, il y a un point que je veux vous dire, c'est que on va en parler de toute façon tout à l'heure dans les, quand on va mentionner les shuyukh de l'imam al-Humaydi, mais juste pour vous donner un avant-goût du fait que l'imam al-Humaydi c'est un des shuyukh parmi les shuyukh de l'imam al-Bukhari. Donc ça vous donne juste une petite idée de qui était cet imam. Du fait que si on prend en considération qui était un de ses élèves, eh bien tout de suite on comprend la grandeur de ce cheikh. Hein, l'imam al-Humaydi était un parmi les shuyukh de l'imam al-Bukhari. D'accord? Donc ça vous fait comprendre son importance parmi les salaf et en même temps ça vous fait comprendre pourquoi on prend en considération sa aqida. Hein? C'est pas de n'importe qui qu'on prend notre aqida. L'imam ibn Sirin, Muhammad ibn Sirin, vous savez ce qu'il a dit, il a dit à ce sujet-là, que cette religion-là, c'est, hein, cette science, c'est la religion, c'est ad-din. Donc prenez garde de qui vous la prenez, hein. Et donc, on n'apprend pas de n'importe qui. C'est pas de n'importe qui dit, voici ma aqida, on va prendre sa aqida. Mais quand vous savez que quelqu'un est un des shuyukh de l'imam al-Bukhari, eh bien, tout de suite, c'est un saut. Yani, vous pouvez dire celui-là, vous pouvez prendre de lui. Et c'est pas n'importe qui. Donc, on va lire un petit peu de la biographie de l'imam al-Bukhari, de l'imam al-Humaydi, pardon. Et on va voir, premièrement, son nom, son nasab et sa kunya, et sa date de naissance, et ça, il y en a un peu par rapport à sa vie. Qu'est-ce qu'on sait de lui? هو الإمام الحافظ عبد الله ابن الزبير ابن عيسى ابن عبيد الله ابن أسامة ابن عبد الله ابن حميد ابن زهير ابن الحارث ابن أسد ابن عبد العزة وقيل ابن عيسى ابن عبد الله ابن الزبير ابن عبيد الله ابن حميد القرشي الأسدي الحميدي المكي. Donc ça c'est son nom au complet, avec toutes les descendants. On peut comprendre une chose dans cette explication qu'on vient de lire par rapport à qui il est, son nom, c'est que premièrement, il s'appelle Abdullah. Ibn Zubayr, son père s'appelle Zubayr, son grand-père s'appelle Issa. Et il y a toute la descendance, avec le nom de ses grands-pères, et ça retourne jusqu'à Ibn Asad, Ibn Abd al-Uzza, hein, et il fait partie il descend de la tribu de Quraysh. Al-Asadi, de la tribu de Al-Asad, Al-Humaydi et Al-Makki. Donc on va voir qu'est-ce que chacun de ces points-là signifie. Sa kunya c'est Abu Bakr. Le Cheikh il dit, قال الإمام الذهبي قيل جده هو عيسى ابن عبد الله ابن زبير ابن ابن حميد الإمام الحافظ الفقيه شيخ الحرم أبو بكر القرشي الأسدي الحميدي المكي. l'imam al-Dahabi a dit que son grand-père c'était Isa ibn Abdullah ibn Zubayr ibn Humayd al-Imam al-Hafiz, un des grands imams, un hafiz, un faqih, un grand savant, un mémorisateur. Quand on dit hafiz, à l'époque de ces grands imams, c'est pas hafiz Qur'an. Aujourd'hui, on pense que quand on dit de quelqu'un qu'il est hafiz, on dit qu'il a mémorisé le Qur'an. Quand on parle de ces imams dans l'islam, quand on dit qu'il est hafiz, c'est pas qu'il a seulement mémorisé le Qur'an, c'est qu'il a mémorisé le Qur'an et la sunna en même temps aussi. Donc les livres et les hadiths, on parle d'une grande quantité, d'une grande portion de hadiths. C'est pas juste mémoriser le Coran. Al-Faqih, c'est-à-dire quelqu'un qui a beaucoup de compréhension et de fiqh dans cette religion-là, qui était le cheikh de Al-Haram à l'époque, Abu Bakr al-Qurashi, Al-Asadi al-Humaydi al-Makki. Al-Qurashi, il explique la signification de ça, بضم القاف وفتح الراء وفي آخرها شين المعجمة وهذه نسبة إلى قريش وهم عدة قبائل وفيهم ينسب إليهم كثرة la yuhsoun. Donc, ça veut dire qu'il est Qurashi, il explique que c'est une nisba, c'est-à-dire qu'il appartient à Quraysh et c'est de nombreuses tribus. On connaît cette tribu-là, il y a beaucoup de gens qui appartiennent à cette tribu. Al-Asadi, بفتح الألف والسين المهملة بعدها الدال المهملة وهذه النسبة إلى أسد وهو اسم عدة قبائل. Asad ibn Abdul Uzza ibn Qusay ibn Quraysh. Donc Asad, c'est une autre tribu, parmi les tribus qui descend de Quraysh. Et lui, il fait partie de cette tribu-là. Al-Humaydi, بضم الحاء وفتح الميم وسكون الياء المثنى من تحتها وفي آخرها دال مهملة نسبة إلى حميد وهو بطن من أسد ibn Abdul Uzza ibn Qusay. Donc Al-Humaydi, c'est une des familles qui appartiennent à la tribu de Bani Asad, qui elle également fait partie de Quraysh. Al-Makki, donc, c'est-à-dire qu'il vient de Mecca. Al-Makki qui vient de Mecca. Pourquoi? Parce que le Cheikh dit لأنه سكن فيها وفيها تعلم وأفتى وكانت آخر محطة رحاله وبها توفي رحمه الله. On l'appelle Al-Makki parce que il a vécu à Mecca une grande partie de sa vie. Il a étudié là-bas, c'est là-bas qu'il a appris, c'est là qu'il a donné la fatwa, et c'est là où il a terminé sa vie. C'est-à-dire il est décédé à Mecca, rahimahullah. قال الإمام الذهبي عبد الله ابن الزبير ابن عيسى الإمام أبو بكر القرشي الأسدي الحميدي لحميد ابن زهير ابن الحارث ابن أسد المكي. Donc il explique يعني son nom en entier, il le remercie encore une fois. Il dit ولادته كنيته اتفقت جميع كتب التراجم التي ترجمت للمؤلف رحمه الله على أنه يكنى بأبي بكر ولم تذكر له غير هذه الكنية. Donc tout le monde est d'accord pour dire que sa kunya c'est Abu Bakr. ولادته لم أجد في كتب التراجم التي اطلعت عليها ذكرا لتاريخ سنة ولادته ومكانها، ولكن بالاستقراء والتتبع لشيوخه نستطيع أن نقول على وجه التقريب أنه ولد في حدود 170 هجري، إذ أنه قد أقدم شيوخه وفاة هو مسلم بن خالد الزنجي حيث توفي سنة 170. Wallahu a'lam. Le cheikh, il dit, celui qui a écrit qui a rassemblé la biographie, il dit, j'ai pas lu dans les livres que j'ai vérifiés aucune mention de sa naissance. Donc, il sait pas exactement à quelle année il est né. Toutefois, en recherchant et en lisant, et en suivant la liste de ses professeurs, de ses shuyukh, on peut dire approximativement qu'il est né vers les années 170 Hijri. Parce que le plus vieux parmi ces chouyours, qui est celui qui est mort parmi les chouyours qui est mort en premier, celui qui était mort le plus tôt parmi ceux qui l'ont enseigné, qui était mort dans une date, disons, plus reculée, c'était Muslim ibn Khalid al-Zinji, et il est mort en 180. Donc, ça voudrait dire que si il est né en 170, à la mort de son premier cheikh, il avait environ 10 ans. Donc, c'est approximatif qu'il serait né à cette année-là. Sinon, on est d'accord sur sa date à laquelle il est mort. C'était en 219 Hijri. Donc, l'imam al-Humaydi est mort en 219 Hijri, rahimahullah. Le cheikh il dit, nash'atuhu wa talabuhu lil ilm. نشأ الحميدي رحمه الله تعالى في وقت اتسم بنبوغ كثير من العلماء الذين برزوا في علم الحديث وخدمته، وهو القرن الثاني الهجري. وممن برز في هذه الفترة من العلماء عبد الله بن المبارك المتوفى سنة 181، ووكيع بن الجراح المتوفى سنة 197، وسفيان بن عيينة، وعبد الرحمن بن مهدي، ويحيى القطان، اللذين توفوا سنة 198، وغيرهم من العلماء. وقد أفاد الحميدي من الحركة العلمية في ذلك الوقت، فأخذ العلم عن شيوخ عصره من أهل مكة ومصر والواردين عليهما، ورحل كغيره من العلماء لطلب العلم، حيث إن الرحلة كانت من أهم الأمور لطلب العلم ولقاء العلماء. يقول ابن خلدون إن الرحلة لطلب العلم ولقاء المشيخة مزيد كمال في التعليم، فالرحلة لا بد منها في طلب العلم لاكتساب الفوائد والكمال بلقاء المشايخ. Donc le cheikh explique que Al-Humaydi il a grandi à une époque où il y avait une grande expansion au niveau de la science du hadith, et il y avait à l'époque beaucoup de ulama de hadith très célèbres qui étaient présents. Donc il y avait beaucoup de savants à l'époque qui travaillaient dans la science du hadith et qui mémorisaient le hadith et qui les enseignaient également. Et parmi ces ulama, il y a l'imam Abdullah ibn al-Mubarak, qui est mort en 181. L'imam Abdullah ibn al-Mubarak, qu'on appelle ou qu'on surnomme Amir al-Mu'minin fi al-Hadith, le prince des croyants dans le Hadith. Et il est un des contemporains de l'imam Malik, rahimahullah. Donc c'est un parmi les grands imams, parmi les imams des salafs. Waqi' ibn al-Jarrah, qui est mort en l'an 197. Qui était un des chouyours, parmi les grands chouyours des salafs, un des professeurs ou un des chouyours de l'imam al-Shafi'i et de d'autres parmi les grands savants de hadith. Et vous avez sûrement entendu le poème de l'imam al-Shafi'i quand il dit Shakawtu ila waqi' su'a hifzi, fa arshadani ila tark al-ma'asi. Donc, ça c'est lorsque l'imam al-Shafi'i il est allé voir Waqi', un de ses chouyours, il s'est plaint de sa mauvaise mémoire. Il a dit j'ai pas une bonne mémoire. Alors il l'a orienté vers le fait d'abandonner les péchés. Et il lui a expliqué que la science est une lumière, et que Allah subhanahu wa ta'ala ne donne pas cette lumière-là à un pécheur. Donc ça c'est un exemple de qui était l'imam Waqi'. Ensuite, il y a l'exemple de Sufyan ibn Uyayna, qui est un parmi les grands imams parmi les imams des salafs. Et lui aussi, on retrouve sa aqida dans le livre de l'imam al-Lakai, Usul i'tiqad ahl-sunnah wal jama'a, Sharh Usul i'tiqad ahl-sunnah wal jama'a. On retrouve sa aqida, la aqida de l'imam Sufyan ibn Uyayna, dans ce recueil de la aqida des salafs. Également, un parmi les imams des salafs, Abdurrahman ibn Mahdi, qui est un des grands imams aussi. Et Yahya al-Qattan, aussi un des grands imams. C'est de là son nom en 198 Hijri. Et d'autres également parmi les grands ulama et les imams, parmi les imams des salafs. Et donc, l'imam al-Humaydi, il a profité de toute cette mouvance scientifique à l'époque. Et il a pris la science de ces grands ulama de l'époque, hein, parmi les ulama de la Mecque, les ulama de l'Égypte, et de ceux qui circulaient entre ces grandes villes-là également. Et donc, il a rencontré beaucoup parmi les imams de son époque, et bien entendu, il a voyagé pour aller à la quête de la science. Parce que le fait de voyager pour acquérir de la science et de la connaissance, c'est quelque chose qui fait partie des choses fondamentales dans la quête du savoir dans l'islam. D'accord? Et ça fait partie d'une des choses les plus importantes dans la quête du savoir. Et il cite justement dans la Muqaddimah d'Ibn Khaldun l'exemple justement qu'il mentionne le fait que de voyager pour aller rechercher la science, c'est quelque chose qui fait partie de ce qui augmente la perfection d'un savant ou d'un individu, puisqu'il voyage pour aller chercher la science, et donc il profite de plein de bienfaits, hein, et il perfectionne sa compréhension et sa connaissance en rencontrant les grands ulama et les mashaykhs, et en les rencontrant directement. Donc il peut savoir qui ils sont, les reconnaître en personne et en même temps profiter de leur comportement, de leur akhlaq, de leur ilm, de leur sagesse et beaucoup d'autres bienfaits également. Donc, bien entendu, ça c'est des grands bienfaits, puis il y a beaucoup d'autres bienfaits aussi à ça, qui ne sont pas mentionnés ici, mais c'est juste à titre d'exemple. Le Cheikh dit « وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ فَقَدْ رَحِلَ الْحُمَيْدِي رَحِمَهُ اللَّهِ إِلَى بَغْدَادْ وَمِصْرْ وَكَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا مركزا هاما من مراكز العلوم والمعرفة في ذلك الوقت. قال ابن هدية رحل مع الشافعي من مكة إلى بغداد ومنها إلى مصر ولازمه حتى مات فرجع إلى مكة ليفتي لأهلها إلى أن مات بها رحمه الله. Donc dans طبقات الشافعية ابن هداية il dit que l'imam al-Humaydi, il a voyagé à Bagdad et rahila ila Bagdad ou à Misr. Il est parti à Bagdad et en Égypte. Et son compagnon, hein, ces deux villes-là étaient des centres pour l'étude de la science à l'époque, et son compagnon de voyage avec qui il a voyagé pour aller étudier dans ces deux villes-là n'était nul autre que l'imam al-Shafi'i rahimahullah. Un des grands imams parmi les imams auxquels on attribue un madhab à notre époque, hein, parmi les quatre imams les plus célèbres. Donc, de la Mecque vers Bagdad, et de là jusqu'à l'Égypte, il est resté en la compagnie de l'imam al-Shafi'i tout au long de ce voyage-là. Donc imaginez, si c'était l'imam al-Shafi'i, son compagnon, alors vous pouvez avoir une idée de qui il était, ce grand imam et ce grand savant parmi les imams des salafs, hein. Et donc, alhamdulillah, c'est à quel point, c'est de cette manière-là que les imams des salafs étaient proches les uns des autres, et ils ont tous pris cette science-là, les uns des autres, et ensemble, ils ont étudié, et cette aqidah, ils l'ont appris tous ensemble, et ils l'ont appris les uns des autres, et ils l'ont enseigné également. Donc, c'est pour dire qu'ils étaient tous sur la même aqidah, le même manhaj, il n'y avait pas de différence entre eux dans ces choses-là, dans ces fondements-là de la sunna. Donc, il est resté avec l'imam al-Shafi'i tout au long de son voyage, puis lorsque l'imam al-Shafi'i est mort, il est parti à la Mecque et il était le mufti pour les gens de la Mecque jusqu'à ce qu'il meure. D'accord? Donc ça c'est juste un exemple parmi les exemples. وَقَدْ أَخَذَ عَنْ كَثِيرٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَمِنْ كِبَارِ الْمُحَدِّثِينَ فِي عَصْرِهِ يقول الحميدي عن نفسه جالست ابن عيينة 17 سنة ونحوها أو نحوها. الإمام الحميدي il dit à propos de lui-même, il a étudié avec les plus grands ulama de son époque et les plus grands savants de hadith parmi les muhaddithines de son époque. Et l'imam al-Humaydi il dit à propos de lui-même, je me suis assis avec les ulama comme par exemple Ibn Uyayna pendant 17 ans, ou quelque chose de ce genre. Pendant 17 ans, il s'est assis avec Ibn Uyayna. Donc, ça c'est un autre parmi les montagnes de science de l'époque. Hein, un des imams parmi les imams des salafs. يقول الإمام الشافعي كان يحفظ لسفيان بن عيينة 10,000 حديث. L'imam الشافعي, il parle de l'imam الحميدي, qu'est-ce qu'il dit de lui? Il dit, il mémorisait 10 000 hadiths de Soufiane ibn Uyayna. Il a appris de Soufiane ibn Uyayna mémoriser 10 000 hadiths de cet imam. Donc ça c'est un exemple encore. Le cheikh dit, وَكَانَ كَمَا أَخَذَ عَنْهُ الْعِلْمِ كِبَارُ مَشَيْخَ الْحَدِيثِ وعلى رأسهم الإمام البخاري رحمه الله وصاحب أصح صاحب أصح كتاب في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وقد روى عنه في صحيحه 75 حديثا وله رواية في مقدمة صحيح مسلم وروي له أو روى له أبو داود والترمذي والنسائي عن رجل عنه. Donc, qu'est-ce qu'il dit ici? Le cheikh, il dit que il a pris également les plus grands savants ont pris la science de ce grand imam. Et à la tête de cela, l'imam al-Bukhari, rahimahullah, qui est celui qui a écrit le livre de hadith le plus authentique parmi les hadiths du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est bien entendu Sahih al-Bukhari, al-Jami' al-Sahih, qui est, il a rapporté de l'imam al-Humaydi 75 hadiths. Et si je ne me trompe pas, le premier hadith dans al-Bukhari, qui est Innama al-A'malu bil-Niyyat, si vous regardez dans l'isnad, vous allez trouver l'imam al-Humaydi dans cette chaîne. Et vous allez trouver l'imam al-Humaydi dans cette chaîne. Et ça, c'est un hadith parmi les hadiths ahad. Et il est un des rapporteurs de ce hadith. Donc, c'est un des chouyoukhs de l'imam al-Bukhari. Qui sont ces chouyoukhs? On va en mentionner on va en énumérer quelques-uns. Le cheikh, il en a énuméré 26. Bon, on va peut-être pas tous les énumérer, mais on va en citer quelques-uns. Peut-être que certains d'entre eux, on les connaît même pas, mais ce sont des grands imams parmi les ulamas de l'islam. Bien entendu, nous, à notre époque, on est tellement ignorants de nos ulama que ça se peut qu'on mentionne certains d'entre eux, on les connaît même pas, on sait rien d'eux. Mais si on retourne aux livres de Tarajum, les livres de Rijal, puis on lit leur biographie, on va être étonné d'apprendre que ce sont des ulama parmi les plus grands imams de l'histoire de l'islam. Donc, ça c'est très important. Le cheikh il dit, shuyukhu. أخذ الحميدي رحمه الله تعالى العلم عن كثير من علماء عصره بطريق الرواية والسند وهي الطريقة التي كانت شائعة عند علماء الرعيل الأول من سلفنا الصالح وهي أثبت الطرق وأصحها في طلب العلم والمعرفة وفيما يلي أورد بعض أسماء شيوخه في المسند وغيره. Le cheikh il dit que l'imam al-Humaydi, il a pris, rahimahullah, il a pris la science de plusieurs parmi les ulama de son époque par la transmission et également yani, par as-sanad, par la chaîne de transmission. Et ça c'est une des méthodes qui étaient les plus répandues parmi les ulama de cette époque-là. Parce qu'il y a d'autres méthodes, ou il y a d'autres façons d'acquérir ou d'étudier, de prendre le ilm d'un cheikh. Ça c'est une des méthodes. Par la riwaya et par la sanad. Et le cheikh il dit donc que c'est une des méthodes, une des façons les plus fermes, les plus authentiques pour rechercher la connaissance et la science. Et donc il va donner certains noms des mashayikh. Il faut dire une chose par exemple, c'est que parfois vous allez voir dans la biographie d'un parmi les imams qu'il a des milliers de shuyukh. L'imam al-Bukhari, il cite dans sa aqida, quand il écrit sa aqida, qu'il a rencontré plus que 1000 cheikhs parmi ses shuyukhs. Et qu'est-ce qui est important de comprendre par là, c'est que même si à l'époque il considérait que quelqu'un était un élève de quelqu'un, même s'il avait appris de lui un seul hadith, il considérait que c'était un de ses élèves. À l'époque actuelle, les termes ont changé. À l'époque actuelle, quand on dit à quelqu'un un tel est l'élève d'un tel, quelqu'un va s'imaginer qu'il est passé, il a passé avec lui des années et des années. Alors qu'à l'époque des salafs, c'était suffisant qu'il ait rapporté un seul hadith de lui pour dire que c'était son cheikh. Donc, on a posé la question justement à ce sujet-là, un cheikh Rabi', par exemple, à propos de ça, quand est-ce qu'on peut dire que quelqu'un est son cheikh, qui dit, celui-là c'est mon cheikh. Il faut clarifier, il faut expliquer. Si par exemple quelqu'un, il a étudié avec un cheikh, il dit par exemple, j'ai étudié avec lui tel ou tel livre. Hein, c'est-à-dire, parce que sinon, quelqu'un pourrait s'imaginer que lui, il dit, lui c'est mon cheikh, quelqu'un va s'imaginer, ça y est, lui il a passé des années, il s'est assis devant ce cheikh-là, il est resté avec lui pendant des années à étudier. Alors qu'en réalité, il s'est assis devant lui quelques heures seulement, et il a étudié peut-être quelques chapitres d'un livre, puis après il dit, mon cheikh, alors qu'en réalité, il n'a juste pris que quelques chapitres ou quelques parties de la science. Oui, d'accord, dans ce cas-là, c'est correct de dire que c'est ton cheikh, mais tu clarifies qu'est-ce que tu as pris de lui pour expliquer que, pour pas donner aux gens l'impression que ça y est, c'était un de ses proches élèves rapprochés de lui, que tu l'as suivi pendant des années et des années. Hein. Pour pas donner aux gens l'idée que c'est quelque chose alors qu'en réalité, c'est pas le cas. Donc, ça c'est un exemple. Parce qu'il y a des gens à notre époque, malheureusement, Allah musta'an, ils vont dire, moi je suis l'élève de Ibn Uthaymeen, ou je suis l'élève de Cheikh Ibn Baz, ou d'autres parmi les ulama. Le Cheikh, peut-être qu'il avait 500 personnes qui s'assoient dans son dars. Et peut-être que quelqu'un était à la fin, là, de ces 500-là, à l'autre bout de la mosquée, du majlis. Il a assisté à deux ou trois dars, et puis après il dit, j'ai étudié avec Ibn Uthaymeen. Ça c'est, des fois c'est exagéré. Donc il faut savoir comment expliquer, ou comment faire, pas exagérer, pour essayer de s'élever soi-même, pour dire, moi je suis l'élève d'un tel, alors qu'en réalité c'est pas le cas. D'accord? Donc ça c'est juste un point en passant. Et le cheikh dit ensuite, wa Abu Ishaq Ibrahim ibn Sa'd ibn Ibrahim al-Qurashi al-Awfi al-Mutawaffa sanat 183 Hijriya. Bon, Abu Ishaq Ibrahim ibn Sa'd ibn Ibrahim al-Qurashi al-Awfi, ça c'est un de ses shuyukh. Abu Damra, Anas ibn Iyad al-Laythi al-Madani, qui est mort en l'an 200. Abu Abdullah, Bishr ibn Abi Bakr al-Bajali al-Damashqi al-Tanisi, al-Mutawaffa sanat 205. Donc il est mort en 205. Abu Usama Hamad ibn Usama ibn Zayd al-Kufi, qui est mort en 201. Muhammad Sufyan ibn Uyayna al-Hilali al-Kufi, qui est mort en 198. Celui-là, vous le connaissez parce qu'on a parlé de lui justement tout à l'heure, c'est un des grands imams parmi les salafs. Abdurrahman ibn Sa'd al-Mu'azzin, Abu Tamam Abdul Aziz ibn Abi Hazim al-Madani, qui est mort en 184. Et la liste continue comme ça, il y en a beaucoup d'autres. Et comme j'ai dit, la plupart d'entre nous, on ne la connaît pas. Même moi, je ne présente pas les connaître. Et la réalité, beaucoup d'entre eux, je ne connais pas. Abu Ali al-Fudayl ibn Iyad al-Tamimi. Hein, ça, c'est le numéro 18 qui est mentionné. Il est mort en 187. Un imam parmi les imams des salafs. On le connaît. Et les autres, Allahu A'lam, on ne les connaît pas tous. Donc, c'est juste pour vous faire comprendre qu'il y en a de nombreux ulama. Le cheikh, il en mentionne 26. Et il y en a beaucoup, beaucoup plus que 26. C'est juste pour donner des exemples. Si vous voulez plus de détails à ce sujet-là, il y a les livres comme Tahdhib al-Kamal, où on a la biographie du cheikh et où on mentionne beaucoup plus parmi ces choses, le volume 14, à la page 514. Sir A'lam al-Nubala de l'imam al-Dahabi, le volume 10, à la page 616, vous allez trouver encore là une autre, un exemple de biographie avec l'exemple des choses de cet imam. Et Tahdhib al-Tahdhib aussi de l'imam al-Asqalani et d'autres également, où on retrouve des énumérations plus plus longues des shuyukh de cet imam. Et makanatuhu wa sana'ul ulama'i alayh, ça c'est une partie qui est toujours intéressante à lire, hein, quand on lit son statut et les éloges des ulama à son sujet. Quand on lit qui sont les ulama qui ont fait des éloges à son sujet, et qu'est-ce qu'ils ont dit de lui, ça nous montre la grandeur de cet imam, ça nous montre sa science et sa piété et sa grandeur dans l'islam. أثنى العلماء على الحميدي ثناء عاطرا حيث كان من مشاهير الحفاظ والمحدثين من أهل الصدق والزهد والصلاح. قال الإمام أحمد بن حنبل الحميدي عندنا إمام. Yani, le cheikh, il dit que les ulama ont donné de grands éloges à propos de Al-Humaydi. Hein, ils ont donné à son sujet de grands éloges. Hein, et ils l'ont encensé, dans le sens qu'ils ont fait à son sujet beaucoup d'éloges. Et ceux qui ont fait des éloges à son sujet sont les plus connus parmi les grands hufaz de l'islam et les muhaddithis, les savants de hadith et les gens de la sincérité, de la véracité et de l'adoration et de la piété, etc. Parmi eux, l'imam Ahmad ibn Hanbal. L'imam Ahmad ibn Hanbal, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, pour nous, l'imam al-Humaydi, c'est un imam. Imaginez quelqu'un d'entre nous, c'est quelqu'un d'entre nous. L'imam Ahmad ibn Hanbal disait ça de lui, et allez, ce serait déjà une grosse thèse qu'il y a. Hein? Donc c'est pour nous faire comprendre à quel point c'est pas n'importe qui cet imam. L'imam al-Sunnah, l'imam Ahmad ibn Hanbal, il dit de lui que c'est un imam pour lui. Donc imaginez. Hein, son importance. قال إسحاق بن راهوية الأئمة في زماننا الشافعي والحميدي وأبو عبيد. Cette parole de l'imam Ahmed, elle se retrouve dans Tahdhib al-Kamal. L'imam إسحاق بن راهوية, c'est un des imams parmi les salaf. Il dit, à notre époque, les imams sont trois. Il mentionne الشافعي, Al-Humaydi et Abu Ubaid. Hein? Donc il mentionne ces trois imams-là et il le mentionne parmi un des trois. Il dit ces trois-là, ce sont les imams de notre époque. Ce sont les grands savants de notre époque. Donc imaginez, si Ishaq ibn Rahuya il dit ça, donc ça c'est une thèse qu'il y a pour lui qui est incroyable. Yaqul Ya'qub al-Fasawi, haddathana al-Humaydi, wa ma laqitu ansahu lil-Islam wa ahlihi minhu. يعقوب الفسوي يلدي حدثنا الحميدي الحميدي نزا ترسمي نزا منسيوني نزا راكونتي استاذي لويا رابورتي ان حديث يلدي اي جني رنكونتري personne de plus sincère envers l'islam et envers les musulmans que lui. Donc ça c'est une autre tazkia de sa part. قال العجلي ثقة, à propos de الحميدي il a dit ثقة, c'est-à-dire quand un imam on dit à propos de lui qu'il est ثقة, c'est quelqu'un de fiable, on prend de lui le hadith. قال البخاري الحميدي إمام في الحديث. L'imam al-Bukhari, celui qu'on connaît, celui qui a écrit le Sahih, il dit quoi de l'imam al-Humaydi? L'imam al-Humaydi c'est un imam dans le hadith. Hein? C'est un imam dans le hadith. Donc ça c'est pour nous montrer encore une fois sa grande science et son importance dans la religion. Si quelqu'un, l'imam al-Bukhari, dit à son sujet qu'il est un imam dans le hadith, hein, tu le prends son hadith les yeux fermés. قال ابن سعد كان ثقة كثير الحديث. C'est quelqu'un de fiable. Il a rapporté de nombreux hadiths. قال أبو حاتم أثبت الناس في ابن عيينة الحميدي وهو رئيس أصحاب ابن عيينة وهو ثقة إمام. Donc Abu Hatim, il mentionne dans son livre Al-Jarh al-Ta'dil, il dit les personnes parmi les plus fermes, les plus fiables qui rapportent de l'imam Ibn Uyayna, il y a Al-Humaydi. C'est-à-dire parmi les gens qui rapportent de Ibn Uyayna, il y a Al-Humaydi, c'est lui le plus fiable qui rapporte de lui. Et il dit il est à la tête de ceux qui rapportent de Ibn Uyayna. Et c'est un homme fiable et un imam, thiqa. قال ابن عدي ذهب مع الشافعي الى مصر وكان من خيار الناس. Ibn Adi il dit il est parti en Égypte avec الشافعي et il était parmi les meilleurs des hommes. قال الربيع سمعت الشافعي يقول ما رايت صاحب بلغم احفظ من الحميدي وكان يحفظ لابن عيينة 10,000 حديث. الربيع il dit j'ai entendu Al-Shafi'i qui disait à son sujet je n'ai pas entendu parmi les compagnons de Balram ou les gens de Balram qui avaient plus mémorisé que Al-Humaydi et il mémorisait de Ibn Uyayna 10,000 hadiths. Donc l'imam Al-Shafi'i dit j'ai pas entendu de gens qui avaient plus de connaissances parmi ces gens-là. Et il mentionne le nombre de hadiths qu'il mémorisait de Ibn Uyayna. قال ابن حبان le fait d'entendre ces exemples-là, quand on les lit, quand on les entend, ça nous augmente notre motivation, ça augmente notre, disons, notre motivation d'acquérir la science et de chercher le ilm. Parce qu'on entend ces imams qui se font les éloges les uns des autres et qui parlent de leur science et de leur niveau dans l'islam, et bien quand on lit ces histoires-là, quand on lit ces paroles-là et qu'on les entend, ça élève notre motivation, ça nous donne envie d'essayer de chercher la science nous aussi et d'essayer de connaître notre religion. Bien entendu, on n'arrivera jamais à ces niveaux-là. Aucun d'entre nous, aucun des ulamas de notre époque même, pourront jamais atteindre le niveau de ces grands imams. Mais ça nous donne quand même une motivation, une inspiration. Ça nous inspire à rechercher la science et à faire des efforts pour cette religion. قال ابن حبان كان صاحب السنة وفضل ودين. L'imam ibn Hibban, il dit à son sujet que c'était un individu qui était sur la sunna, qui était sur la al-fadl, il avait beaucoup de mérite et qu'il avait beaucoup de piété, d'adoration, de religion, etc. قال الحاكم ثقة مأمون وكان البخاري إذا وجد الحديث عنه لا يخرجه إلى غيره من الثقة به. C'est-à-dire l'imam Hakim, il dit que c'est quelqu'un qui est fiable, on lui fait confiance. Et l'imam al-Bukhari, s'il trouvait un hadith rapporté par al-Humaydi, il n'allait pas rapporter ce hadith-là de quelqu'un d'autre, tellement il avait confiance en lui, tellement il savait que c'était quelqu'un de fiable. S'il trouvait le même hadith rapporté par quelqu'un d'autre, il n'allait pas le sortir dans son livre par autre que lui. S'il trouvait ce hadith-là par Al-Humaydi, même s'il avait le même hadith, il l'avait de quelqu'un d'autre, il prenait celui qui la version ou le hadith qu'il a reçu par la voix de Al-Humaydi, parce qu'il lui faisait confiance. قال محمد ابن عبد الرحمن الهروي قدمت مكة عقب وفاة ابن عيينة فسألت عن رجل عن أجل أصحابه فقالوا الحميدي فكتبت حديث ابن عيينة عنه. يعني محمد بن عبد الرحمن الهروي il dit je suis arrivé à Mecca un peu après la mort d'Ibn عيينة رحمه الله, et j'ai demandé qui était le plus respectable ou le plus celui qui avait le plus de respect parmi, ou le plus haut niveau parmi ses compagnons ou parmi ses élèves, et ils ont dit Al-Humaydi, c'est Al-Humaydi. Alors il dit, je suis allé et j'ai écrit les hadiths de Ibn Uyayna par lui, c'est-à-dire j'ai pris toute la science de Ibn Uyayna à travers l'imam Al-Humaydi. Et ça me rappelle, parce que justement comme je vous ai dit tout à l'heure, le hadith Innama al-a'malu binniyat, il est rapporté par, c'est le premier hadith en Sahih al-Bukhari, et il est rapporté par Al-Humaydi, c'est un des hommes de la chaîne. Et lorsque j'ai commencé à apprendre les durus à propos de l'aqida et des salafis, de ces choses-là, donc on a commencé à étudier les 40 hadiths de l'imam al-Nawawi et tout ça, et qu'on a appris que le premier hadith c'était إنما الأعمال بالنيات, et que c'était le premier hadith rapporté par l'imam al-Bukhari. Yani, on commence, on est motivé, alors j'ai dit, bon, je vais prendre al-Bukhari, puis je commençais à écrire chacun des noms de la chaîne, puis essayer de trouver dans Siyar Alam al-Nubala les biographies de chacun des imams qui étaient mentionnés dans cette chaîne de transmission-là. Puis quand j'ai justement, je lisais la biographie d'Al-Humaydi, j'avais justement lu ces choses-là à son sujet, et c'est juste pour dire qu'au début, tu sais, des fois on est motivé, on lit ces choses-là, on entend ces choses-là, on dit « ah bon, ça y est, je vais lire sur la biographie des salafs et tout pour me motiver et pour apprendre », et bien entendu, c'est quelque chose qui demande beaucoup de temps, beaucoup de patience, mais après malheureusement, j'ai pas continué pour les autres, mais c'est juste pour dire que quand on est pris au début avec un élan de motivation là pour dire bon ça y est là j'ai envie de les étudier, de les connaître et tout, donc on est pris des fois par cet élan là Mais sinon, ça devrait être une des choses les plus intéressantes, une des choses les plus bénéfiques, yani, de connaître nos ulama et d'étudier leur biographie et toutes ces choses-là, yani, yani, c'est très très très important, malheureusement, on néglige. Et je me souviens, des fois, on écoutait dans les dourous de Cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad, ça m'arrivait parfois de m'asseoir dans certains de ces dourous de temps en temps, et yani, il énumère avant chaque hadith les noms des narrateurs, et puis il donne une petite biographie courte de chacun d'entre eux comme ça, et puis yani, bien entendu ça nous motivait, yani, ça donnait envie de les connaître, de savoir qui ils sont, parce que tu lis les Hassanides d'aujourd'hui, puis c'est juste des noms comme ça qui sont mentionnés, tu sais même pas rien à leur sujet, tu sais pas qui ils sont, tu sais même pas qu'est-ce qu'ils représentent, alors que les imams à leur époque, quand ils mentionnaient une chaîne de transmission, chacun des noms, la plupart d'entre eux, ils les connaissaient tous. Ils savaient où il était né, quand il était né, quand il était mort, c'était qui ses chouyours, c'était qui ses élèves, qu'est-ce que les ulama ont dit à son sujet. Ils parlaient d'eux comme s'ils parlaient de quelqu'un d'entre nous qu'on se connaît. On sait qui est qui. Hein. Donc, nous, aujourd'hui, malheureusement, ce n'est pas le cas. On entend ces noms-là, puis ça ne signifie plus rien pour nous, parfois. Donc, ça, c'est une chose qui est triste, mais bon. Le fait de parler d'eux comme ça, ça peut faire naître en nous, Inch'Allah, justement cette étincelle-là qui va faire qu'on va se motiver à faire des efforts pour les connaître et pour lire leur biographie, puis faire des efforts pour augmenter notre connaissance à ce sujet-là. Donc, le cheikh dit ensuite, « وقال الذهبي كان من كبار أئمة الدين » l'imam al-Zahabi, il dit, il faisait partie des plus grands parmi les imams de la religion. وقال أيضا كان إماما حجة, il dit aussi à son sujet que c'était un imam et une preuve, une حجة. وقال أيضا, c'est une référence, c'est une référence. Et il dit, وقال أيضا محدث مكة وفقيهها أجل أصحاب سفيان بن عيينة وقال ابن القيم رحمه الله تعالى أحد شيوخ النبل شيخ البخاري إمام أهل الحديث والفقه في وقته وهو أول رجل افتتح به البخاري صحيحه لشيخ الزين encore une fois l'imam al-Zahabi il dit que c'est le muhaddith de Mecca et le faqih de Mecca à son époque. L'un des plus grands compagnons de Sufyan ibn Uyayna. Donc, à l'époque, Sufyan ibn Uyayna, c'était lui l'imam de la Mecque. Comme l'imam Malik ibn Anas, c'était l'imam de Al-Madina, imam Udar al-Hijra. Eh bien, à la Mecque, l'imam de l'époque, c'était Sufyan ibn Uyayna. Eh bien, celui qui a succédé à l'imam Sufyan ibn Uyayna à Mecca, c'était Al-Humaydi. Celui qui a succédé à lui, celui qui a pris sa place. Et donc, il était un des plus grands imams de son époque. Et Ibn al-Qayyim al-Jawzi, rahimahullah, il dit que c'était un des grands chouyours, justement, un des chouyours de l'imam al-Bukhari, yani, un imam dans le hadith, dans le fiqh, à son époque, et c'est le premier parmi les narrateurs de qui l'imam al-Bukhari a débuté son sahih. Comme je vous ai dit tout à l'heure, dans le hadith, innama al-a'mal bin niyyat, le premier, haddathana, le premier qui est quand l'imam al-Bukhari dit « Haddathana » c'est al-Humaydi, c'est lui le premier qu'il mentionne. Après il dit « وقال الحافظ ابن حجر ثقة حافظ فقيه أجل أصحاب ابن عيينة وقال العبادي شيخ الحرم في وقته والذاب عن أهل السنة والمرجوع إليه في حل المشكلات وكان لأهل الحرم بمنزلة أحمد لأهل العراق. الشيخ الزيك الشيخ الحافظ ابن حجر العسقلاني الزيك ستان ثقة كان ثياب حافظ فقيه سافان ميموريزاتور سافان un des plus grands compagnons de Sufyan ibn Uyayna et l'imam العبادي si je ne me trompe pas c'est un qui a écrit طبقات فقهاء الشافعية et dit c'était le شيخ de la Mecque à son époque et qui défendait les gens de la Sunna et il était celui vers qui tout le monde retournait pour régler les problèmes qu'ils avaient dans la région de Mecca et il était par rapport aux gens de Mecca comparable à l'imam Ahmed ou les gens de l'Irak. Hein? Donc ça c'est, on peut dire que c'était ça ce qu'il représentait et c'était ça son niveau à son époque. Donc c'est pour dire, yani, que c'était un grand parmi les grands imams de son époque. Ensuite le cheikh il dit, إن نعم سعة علمه وحفظه للحديث إن نعمة الحفظ وقوة الذاكرة فضل من الله عز وجل ولهما أهمية كبيرة في رواية الحديث ونقله وقد رزق الله سبحانه وتعالى الحميدي حفظا وذاكرة قوية حتى قال أبو عبد الله الحاكم الحميدي مفتي أهل مكة ومحدثهم وهو لأهل الحجاز في السنة أحمد بن حنبل لأهل العراق وقد سبق كلام أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري وقوله الحميدي إمام في الحديث. Le cheikh il dit que la grâce de d'avoir une bonne mémoire, d'avoir une mémoire qui est forte, c'est une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et elle a une grande importance dans la transmission, dans la narration des hadiths. Et Allah subhanahu wa ta'ala avait donné à l'imam al-Humaydi une mémoire très forte, hein, une grande mémoire. Et Abu Abdullah al-Hakim, l'imam al-Hakim il dit, al-Humaydi était le mufti de la Mecque, et le muhaddith de la Mecque, et il était pour les gens du Hijaz, par rapport à sa position dans la Sunna, hein, comparable à l'imam Ahmad pour les gens de l'Irak. Et il a dit également, comme on l'a mentionné tout à l'heure, les paroles de l'imam al-Bukhari à propos de al-Humaydi, qui dit qu'al-Humaydi c'est un imam dans le hadith. ومما يدل على صحة حفظه وقوة ذاكرته ما رواه يعقوب بن سفيان الفسوي عن الحميدي قال كنت بمصر وكان لسعيد بن منصور حلقة في مسجد مصر ويجتمع إليه أهل خراسان وأهل العراق فجلست إليهم فذكروا شيخا لسفيان فقالوا كم يكون حديثه فقلت كذا وكذا فسبق سعيد بن منصور وأنكر ذلك وأنكر ابن ديثم وكان إنكار ابن ديثم أشد علي فأقبلت على سعيد فقلت كم تحفظ عن سفيان عنه فذكر نحو النصف مما قلت وأقبلت على ابن ديثم فقلت كم تحفظ عن سفيان عنه فذكر زيادة على ما قال سعيد نحو الثلثين مما قلت أنا فقلت لسعيد تحفظ ما كتبت عن سفيان عنه فقال نعم فقلت فعده قال فعده ثم قلت لابن ديثم يعني عد ما كتبت عن سفيان عنه فإذا سعيد يرغب على ابن ديثم بأحاديث وابن ديثم يغرب على سعيد في أحاديث كثيرة فإذا قد ذهب عليهما أحاديث نسياها فذكرت ما قد ذهب عليهما فقال فرأيت الحياة والخجل في وجهيهما. En fait, qu'est-ce qui est arrivé à l'époque, c'est ça, c'est que يعني l'imam Ya'qub ibn Sufyan al-Fasawi, il mentionne des paroles de al-Humaydi qu'il était en Égypte et qu'il était dans une halaqa de Saïd ibn Mansour dans une mosquée, et dans cette mosquée-là il y avait les gens de Khorasan et les gens de l'Irak qui se réunissaient et ils venaient pour apprendre. Alors يعني il s'est assis et ils ont mentionné un cheikh, le cheikh par rapport à les hadiths de Sufyan ibn Uyayna, en mentionnant combien de hadiths il avait. Et il mentionne qu'il y en a un qui a mentionné un nombre, et un autre cheikh a mentionné un autre nombre de hadiths, mais pas le même. Donc il y en a un qui a mentionné un nombre, l'autre qui a mentionné la moitié seulement, et l'autre il a mentionné deux tiers. Donc il y avait divergence entre eux sur le nombre de hadiths que Soufiane avait rapporté. Puis يعني, ils ont tous mentionné chacun d'entre eux qu'est-ce qu'ils avaient mémorisé comme hadith de Soufiane, puis ils ont réalisé que certains d'entre eux avaient oublié certains hadiths et l'autre avait oublié d'autres hadiths aussi, et l'autre avait oublié également d'autres hadiths. Alors, Soufiane ibn, l'imam al-Humaydi a mentionné à chacun d'entre eux les hadiths qu'ils avaient, chacun d'entre eux avait oublié. Et il dit, j'ai vu dans leur visage la gêne et la honte et la gêne, c'est-à-dire du fait qu'ils n'avaient pas mémorisé tous les hadiths comme il faut ou comme correctement. Donc ça c'est en résumé un peu qu'est-ce qui était mentionné dans cette histoire-là pour montrer en fait la grande mémoire de l'imam al-Humaydi, hein, des hadiths qu'il avait mémorisés. Hein. Et ensuite il mentionne ici un nombre de parmi les élèves de l'imam al-Humaydi, il en mentionne 25. Hein. Donc on ne va pas tous les mentionner, la même chose que pour ses chouyours, mais on va peut-être en lire quelques, mentionner quelques-uns. On sait que parmi eux il y avait l'imam al-Bukhari, parmi ses élèves, donc ça c'est déjà un exemple. وقال الذهبي حدث عنه البخاري والزهلي وأبو زرعة وأبو حاتم وبشر بن موسى وخلق يعني tout ça c'est des grands imams de l'islam parmi les imams du hadith. وفيما يلي لبعض تلاميذه إبراهيم بن صالح الشيرازي وأبو الأزهر أحمد ابن الأزهر ابن منيع النيسابوري qui est mort en 261 بشر بن إسماعيل ابن عبد الله ابن مسعود العبدي qui est mort en 267 et beaucoup d'autres, ceux-là on les connaît pas peut-être, mais il y en a beaucoup d'autres comme par exemple Abu Ali Hanbal ibn Ishaq ibn Hanbal al-Shaybani qui est mort en 263 et Abu Zur'a Arrazi, on le connaît, un des imams des salafs qui est mort en 264 et beaucoup d'autres encore. Bon, l'imam al-Bukhari, Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim, hein, celui qui a écrit Sahih al-Bukhari qui est mort en 256, Muhammad ibn Abdullah ibn Sinjar al-Jurjani qui est mort en 258, et beaucoup d'autres encore. Donc ça c'est quelques-uns d'entre ses élèves. Et il mentionne ensuite un nombre de ses écrits, les livres qu'il a écrits, il en mentionne quatre, Kitab al-Musnad, hein, la Musnad de al-Humaydi, Kitab al-Dala'il, il dit, huwa kitabun mafqud, c'est-à-dire c'est un livre qu'on a perdu, on ne sait pas où il est, on n'a pas retrouvé les manuscrits, mais on sait qu'il existe par rapport à ce que des ulama ont mentionné du fait qu'il avait écrit ce livre-là, al-Dala'il. Ou également Kitab Tafsir, il avait un livre de Tafsir, et Ar-Rad ala al-Nu'man, Ar-Rad ala al-Nu'man, un autre livre aussi qu'il avait écrit, et Usul al-Sunnah, c'est le livre qu'on va étudier, Inch'Allah, ensemble. L'imam al-Humaydi, il est mort, rahimahullah, fi awa'il al-Nahar, yawm al-Ithnain, min shahri rabi' al-Awwal, sanata 200, و19 من الهجرة النبوية بمكة. Donc l'imam al-Humaydi rahimahullah, il est mort au début de la journée, hein, un lundi du mois de Rabi' al-Awwal de l'année 219 de la hijra du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et ça c'est rapporté par Ibn Sa'd dans sa Tabaqat et al-Bukhari dans son Tarikh. قال الحافظ المزي وقال غيره ما مات سنة 20 و200. Certains علماء comme l'imam المزي et d'autres ont dit qu'il est mort en 220 هجري. وقال الحافظ ابن حجر قال ابن سعد مات بمكة سنة 19 و200 وكان ثقة كثير الحديث. وكذا أرخ البخاري وأرخه غيرهما سنه 20 و200. Donc c'est ça, soit qu'il est mort en 219 ou 220, il y a une divergence là-dessus, d'accord, mais de toute façon on sait que c'est un parmi les grands imams de l'islam qui est parmi nos salaf salih, et ça c'est une référence pour nous. Le livre donc de la aqida de l'imam al-Humaydi qu'on va lire ensemble, il élabore sur 10 points parmi les points de la sunna, qui sont des points qui sont bien connus parmi les fondements de Ahl al-Sunnah wal Jama'ah, et comme on l'a expliqué, beaucoup d'imams ont écrit des livres là-dessus, hein, ont écrit des livres sur les fondements de la Sunnah, Et c'est ça ce qui détermine ou qui distingue entre le salafi et le mubtadi'. C'est qui est sur le manhaj des salafs et c'est qui est en dehors du manhaj des salafs et qui est sur la foi des gens de la bid'a. Et donc les points dont il traite, c'est premièrement, il y a 10 points, et juste pour dire un petit résumé, juste les énumérer un après l'autre, le premier point c'est Al-Qadar. Donc il parle de la question de Qadar. Deuxième point, Al-Iman. La définition de Al-Iman selon Ahl-Sunnati wal-Jama'a. Troisièmement, Al-Sahaba. Le mérite des Sahaba. La position des Sahaba selon Ahl-Sunna wal-Jama'a. Le quatrième point, Al-Kalam. Sifatul Kalam. Il parle de l'attribut de la parole pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et la position des Salaf de Ahl-Sunna à ce sujet-là. Le cinquième point, Al-Iman. Yazid wa Yankus. Là, il revient sur la question de la foi, mais il se concentre sur la question de est-ce qu'elle augmente ou est-ce qu'elle diminue ou qu'est-ce qu'on dit à ce sujet-là. Et le sixième point, c'est Ar-Ru'ya, le fait de voir Allah subhanahu wa ta'ala au jour de la résurrection. Le septième point qu'il mentionne, c'est As-Sifat, Isbat As-Sifat. Donc il explique que la voie des salafs, c'est d'affirmer les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le huitième point, c'est la question de Al-Istiwa. C'est aussi une autre attribut d'Allah, le fait que Allah est au-dessus de sa création, au-dessus de son trône, et il mentionne les preuves à ce sujet-là, et il réfute les égarés à ce sujet-là. Le neuvième point, c'est Murtakib al-Kabira. La position déjà de la Sunna et de la position des salafs au sujet de celui parmi les musulmans qui commet un grand péché. Qu'est-ce qu'on dit à son sujet? Et le dixième point, c'est la question de celui qui abandonne certaines actions parmi les piliers de l'islam. Est-ce qu'il sort de l'islam ou non? Et quand il sort de l'islam, ou bien les conditions ou les choses qui ont rapport à ça? Qu'est-ce que les salafs ont dit là-dessus? Donc ça, c'est le dixième point. Donc ça, c'est 10 questions, 10 points parmi les points qui font partie des fondements de la sunna, de la aqidah des salafs, et qui font une distinction entre les salafis, les gens qui suivent la voie des salafs, et les khalafs, ou les gens de bid'a parmi les gens qui ont opposé l'aqida des salafs. Et inshallah, si Allah veut, par sa permission, on va avoir le temps pour aller mentionner ces points-là un par un dans l'aqida de l'imam al-Humaydi et d'élaborer quelques-uns d'entre ces points-là, d'entrer trop en détail non plus, parce que on en a parlé dans d'autres livres de la Sunna, mais essayer de clarifier, d'expliquer certains d'entre les points les plus importants sur chacun de ces points-là, Inch'Allah. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, pour maintenant, puis si Allah veut, Inch'Allah, on continuera la Risala un autre demain, quand Allah nous facilitera, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته